si je parle de sodomie, c'est que devant ta cambrure, moi, je rougis. Je n'y peux rien si je suis fier devant mes amis. En secret, tu le sais bien que je rougis. Et dès que, loulou, tu te trouves loin de moi, oui, tu sais, loulou, moi je chante pour toi. Oui, je sais que je suis un pauvre garçon. Je n'ai pas d'appartement et plus un rond. Oui, je sais bien que je n'ai rien à t'offrir. Et que si tu m'aimes, c'est rien que pour le pire. Mais dès que, loulou, tu te trouves loin de moi, oui, tu sais, loulou, moi je chante pour toi. Je suis un pauvre type, pas encore suicidé, qui passe des heures tout seul devant son synthé. Et si aujourd'hui, moi je suis encore là, c'est que, loulou, ma survie, je te la dois. Et dès que, loulou, tu te trouves loin de moi, oui, tu sais, loulou, moi je chante pour toi. Et j'espère que, loulou, tu me pardonneras et qu'on continuera ensemble ici-bas.